Frédéric Ségrist, c'est à vous, normalement pour la chronique Blockbuster, mais ce matin, vous voulez nous parler d'histoire de France ? Bah oui Mathilde, parce que tous les vendredis, Anthony, il a le droit de nous parler de trucs qui n'existent plus, la civilisation étrusque, les Mayas, Clément, il nous parle du Parti Socialiste et des Républicains, Marie-Pierre, elle nous parle des saisons, donc je me suis dit, bah il n'y a pas de raison, moi aussi je peux me la jouer Jean Lebrun. Ok, et quel est votre sujet précisément ? Imaginez un pays, Mathilde. Appelons-le la France, ça sera plus simple pour tout le monde. Un pays fracturé par une incapacité à lier les identités qui le composent. Un pays qui a les dents du fond qui baignent dès qu'on lui parle de communautarisme. Mais un pays qui aurait, dans son histoire, mettons, je sais pas, au XVIIIe siècle, un fils métis, né en Guadeloupe, d'une esclave noire et d'un colon blanc ayant fait fortune dans les plantations. On va l'appeler Baby Joseph parce que Baby George s'était déjà pris par Kate et William. Imaginez toujours qu'à l'âge de 10 ans, cet enfant débarque en métropole, qu'il est affranchi, qu'il reçoit l'éducation traditionnelle réservé aux enfants de la haute aristocratie. Imaginez ensuite, parce qu'on est des oufs, qu'il devient un escrimeur de talent et une des plus fines lames du pays, et qu'à 19 ans, il est fait chevalier. Et que comme on n'a vraiment pas peur d'en faire des tonnes, imaginez maintenant que le gars en plus est une bête de musicien. Il joue du violon comme André Rieu et Charles Ingalls, mais avec le swag d'Omar Sy. À tel point qu'il devient le musicien favori de Marie-Antoinette. Imaginez, je sais que c'est compliqué vu l'organigramme de Radio France, qu'on va même envisager de lui confier la direction de l'Opéra Royal. Wouhou ! Un Renoir à un poste de responsabilité au XVIIIe siècle, ça va le wokisme ? Pour finir, truc de dingue, imaginez qu'il part à Londres et soutient la Révolution française. Blague de Gaulle. Revient en France, s'engage dans la garde nationale et crée un régiment uniquement composé de soldats noirs et métis à l'intérieur duquel on retrouve le futur général Dumas, le père d'Alexandre Dumas, l'auteur des Trois Mousquetaires. Les Avengers des Dom-Tom. Bon, bah Mathilde, s'il arrivait qu'on ait un personnage de ce type dans l'histoire de France. Vous pensiez bien que dans une vraie société woke comme le dénonce Valeurs Actuelles, on aurait déjà financé 8 films et 15 séries France Télé sur le bonhomme. On en parlerait à l'école ou dans les quartiers populaires en lieu et place des footballeurs qui font de l'eczéma dès qu'ils doivent prononcer droit de l'homme ou une crise d'épilepsie quand ils voient un drapeau arc-en-ciel. Bon ça y est, je vois où vous voulez en venir à ce film sur Joseph Bologne, alias Le Chevalier de Saint-Georges, qui a réellement existé et film qui sortira sur nos écrans l'année prochaine. Oui, sauf que c'est produit par les Américains. Réalisé par Steven Williams, à qui l'on doit les épisodes de Lost, Westworld et Walking Dead, scénarisé par l'autrice Stephanie Robinson, qui a travaillé sur les séries Atlanta et Fargo, et joué par Kelvin Harrison Jr., qui a joué récemment le musicien B.B. King dans le biopic sur Elvis, et qui interprétera prochainement le peintre Jean-Michel Basquiat. Alors je suis sûr que tout ça sera très bien, toute une génération va découvrir l'incroyable vie du Chevalier Saint-Georges, mais enfin, est-ce que de temps en temps, ça ne pourrait pas être la France qui mettrait vraiment en lumière certains moments de sa propre histoire ? Non pas pour la réécrire, comme voudraient le faire croire certains, mais pour montrer qu'elle est tellement plus vaste et nuancée que ce qu'on en dit. La semaine dernière, l'Académie des Oscars a remis un Oscar d'honneur à la réalisatrice martiniquaise Eusanne Palsy, la réalisatrice du film Rue Cazenègre, qui avait reçu en 83 le César du meilleur premier film et le Lion d'argent à la Mostra de Venise. Réalisatrice qui a ensuite dirigé Marlon Brando et Donald Sutherland dans le film Une saison blanche et sèche en 1989. Une réalisatrice que j'ai eu la chance de rencontrer il y a plus d'une quinzaine d'années et qui me disait déjà combien elle avait du mal à trouver des producteurs en France. Franchement Mathilde, les plateformes américaines et autres GAFA avaient déjà notre attention et nos écrans, il ne leur manquait plus que notre histoire. Frédéric Ségrist, Blockbuster, existe aussi en podcast, hein, une émission d'une heure. Quelle est la dernière livraison ? La série animée Batman pour rendre hommage au grand Kevin Conroy, et la voix de Batman en VO. Podcast qui est déjà en ligne.